On en cherche-tu des cinglés aujourd'hui? On les cherche partout. Ils se cachent partout. Récemment, c'est-à-dire avant-hier, je ne sais pas si vous êtes au courant, là, on essaye de nous cacher des informations et c'est tant mieux. Hein, si c'est pour nous augmenter le stress puis nous empêcher de dormir, dans mon cas, je souffre d'un terrible problème de sommeil. Un peu comme Barbara. Et je l'ai mentionné fréquemment. Mais il y a quelques jours, je me promenais sur la rue Saint-Jean. En fait, je me dirigeais à un endroit précis. Pas gêné de le dire, moi, là. C'est pas un endroit inapproprié. Non, non, on a le droit. Oui. Je vous la... Faites-vous-en pas, madame. Vous serez au courant de toute ma vie, de toutes mes péripéties et je ne cache rien. Non, rien de rien. Non, je ne cache rien. J'étais sur la rue Saint-Jean. Je me dirigeais au taux de change pour échanger de l'argent, de la belle argent, de la grosse argent, de l'argent qui pue, là, hein? L'argent n'a pas d'odeur, mais pas d'odeur vous monte au nez, hein, cet argent-là, là. Je voulais changer de l'argent québécoise, là, en argent française, européenne, là, pour pouvoir me sauver là-bas, pour qu'ils puissent m'endurer, eux. Et à un moment donné, plus capable, ils me renvoient. Coupe mon passeport, on veut plus rien savoir de Renal Gagné, des X partout. Le FBI est à ma recherche. Ça n'a rien à voir avec l'autre, là. Le tueur à la cuillère. Il a tué 3 victimes à la cuillère, lui. 3 victimes. Et comme tous les détraqués de notre société commencent une fois, ça fonctionne bien. Il s'auto-excite. Là, son scan est devenu sanglant. Il veut en trouver une autre. On parle des victimes, là. Tu sais, c'est classique au couteau. La fourchette. Mais à cuillère. Pas de cuillère à métal, cuillère de bois. Ça colle pas. Ça colle pas. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les empreintes ne restent point puisqu'il les fabrique lui-même avec de la cire. De la cire chaude, très chaude. Un peu comme lorsque vous voulez faire de la monnaie et ne pas graffiner celle-ci. Donc, vous la trempez dans la cire chaude et vous la retirez. Ça peut se faire aussi avec... vous embouteillez vous-même le vin. Un grand cru. Qui l'a cru? C'est vous qui l'avez fait. Vous êtes heureux, ça fait des années que vous travaillez sur votre conceptualisation de cet élixir que vous voulez faire partager à tous vos amis. Et les ennemis, ben, seront les prémices, ceux qui n'ont pas fonctionné, hein? Au goût de vinaigre. Ben, mais il faut un début à tout, là. On ne peut pas devenir professionnel sans avoir trébuché, recommencé, retravaillé l'ingrédient qui faisait en sorte qu'il gâchait tout. Il faut être humble dans la création. Dans n'importe quelle création. Un enfant. Pas de livre là-dedans, là, comment réussir son enfant. Réussir dans le sens, là, pas de la longueur, mais de la temporalité. Ça veut dire que sa progression, hein, tu veux qu'il soit le meilleur. Plus intelligent. Tu sais, celui là que la petite chose là que l'on retient là, tu sais, cette petite fille là, ce petit garçon là, on veut celui là là. Mais on sait pas comment entrer ça dans le fait que lorsqu'on prépare un enfant, on oublie là, on se libère puis ce qu'on veut c'est la progéniture, quelle qu'elle soit. Là, une fois que madame est enceinte, tout se modifie. Tout change. T'es ta petite vie heureuse, là, avec elle. Tu arrivais du boulot. Oh, on fait pas de repas, on s'en va au resto. Fini, là. Si t'as pas de gardienne, pas de resto. Puis à la naissance, pendant plusieurs mois, faut que tu restes avec bébé. Puis c'est pas comme dans les années 60-70, là, ça c'est ma période, là, où tu faisais un enfant, tu restais avec, tu voyais à son éducation, tu l'envoyais à l'école, tu l'envoyais, mais en l'envoyant, tu jetais pour qu'il revienne, là. Puis s'il revenait avec des amis, lesquels? Tu sais, tu commençais là, à ouvrir son dossier. Là, et puis, c'était entre la mère et le père. Le pourvoyeur, lui, allait suer toute sa vie pour quelques bouchées de pain. Puis s'il en restait, bon, petite coupe de vin. Pas deux, une petite coupe de vin. Une petite coupe de vin. Une petite coupe de vin. Madame a travaillé plus que monsieur à la maison. Donc, on lui pousse. Cet élixir, on lui dit, oh non, c'est à toi, mon amour. Non, non, tu t'occupes de... En fait, tu veux rendre nos enfants les plus intelligents possibles. Et puis, comme je disais au début, c'est qu'il n'y a pas de livre, il n'y a rien. C'est dans le néant, c'est dans le... C'est un peu, là, lorsque tu vas en avion, là, t'es dans le nuage, là. Indescriptible, là. Alors, c'est de l'observation, c'est des erreurs, des réussites. Et puis, à un moment donné, ça, c'est ton premier. C'est l'ébauche. Quand on dit ébauche, là, c'est un brouillon. Le deuxième doit être meilleur. Plus fin, plus vif, plus brillant. Parce que tu connais un peu, là, ce qui t'a fait échouer. Donc, tu arrives devant le deuxième et tu tentes de l'élever le mieux possible, mais en mettant, tu sais, un plus six, là, tu sais, un... Sentez-vous le... Ouais, exactement le petit ressort que l'autre n'a pas, là. Tu te rends compte, ils sont pareils. Pas de vision créative. Ce qu'ils veulent, c'est regarder la télévision. Regarder la télévision, jouer à des jeux vidéo, aller sur les internets. Hey, 3 ans et demi, ces internets! Moi, Géraldine, la femme de Jean-Marc, je m'en vais voir mon Jean-Marc. Jean-Marc, on doit parler. Là, il dit, ah non, non, moi j'ai une journée là épouvantable. J'ai 3 patrons. Mes 3 patrons veulent mon 100%, donc j'ai 300%. Et quand j'arrive à la maison, on enlève tout ça, puis je ne suis qu'une épave au centre du salon. J'essaye de ne pas plonger et de... garder la tête hors de l'eau. Et puis, je veux pas non plus là me rendre à l'hôpital pour des soins psychologiques. Je peux pas. Il n'y a pas d'argent qui va nous aider à pourvoyer. On doit pourvoir. Hein? Il faut rentrer de l'argent. Là. Mais arrête-moi. Non, non, non, non. Essaye de régler ça. Là. Tu sais, c'est ton travail. À l'époque, c'était le travail de la femme. Même Georges Adore le chantait. Il dit, là, il n'est pas longtemps. L'homme est parti pour travailler, la femme est seule, avec les enfants, à s'ennuyer. C'est-tu dehors, c'est-tu dedans, la femme attend, l'autre voyage, il y a beau temps, il y a bel âge, de la vie jusqu'à la mort. Hey, c'était pas rose-rose, là. Aujourd'hui, tu fais un enfant, tu le places. À 2 ans. Ouais, ça, ouais, c'est vrai que j'en parle souvent, mais je trouve ça épouvantable. On est rendu en 2019, madame, mademoiselle, monsieur. Avant même! Avant même de trouver l'être pour s'accoupler, on doit appeler la petite enfance à la maison de Poupon là, pour placer notre pour le placer. Avant même de le mettre au monde. Alors là, tu fais des appels. Là, et puis eux autres sont débordés aussi, là. Le premier que tu fais, tu sais pas trop quoi dire. Bonjour madame. Oui, est-ce qu'on peut vous aider? Oui. Oui, oui, ce serait pour réserver une place pour mon petit poupon. Mon petit poupon. Ah oui! Comment s'appelle-t-il? On sait pas encore. Mais voyons donc, ouais! C'est un garçon, une fille? Je sais pas encore. Mais voyons! Vous appelez pour? Ben, pour réserver. Mais ouais, mais là, vous avez un enfant, puis vous pouvez pas me dire son nom? Ben, oh non, non, non, non, non. On en veut un. On n'a pas encore, mais on veut savoir, avez-vous de la place? Sinon, on n'en fera pas. On veut pas rester pris avec ça, nous autres, là, jusqu'à 18 ans. À quel âge on peut vous l'amener? Plus tôt possible. Oh, ben écoutez, est-ce que je peux moi-même me présenter, là, parce que je ferai cet enfant-là? Mais oui, mais êtes-vous enceinte? Non, pas encore. Il faut que je trouve le bon garçon. Le bon garçon. Pas trop fanfaron. Un beau portefeuille. Et de l'espoir à volonté. Et puis, mais là, si vous me dites qu'il n'y a pas de place, j'ai pas dit qu'il n'y avait pas de place, là, je vous demandais le sexe et puis tout ça. Hey, êtes-vous de même avec les enfants? Vous êtes agressive? Ben, agressive, madame! Madame, agressive, là, quand j'entends des femmes comme vous, là, ça me fait peur pour les années qui viendront. Comment ça? Ben oui, mais attendez avant. Trouvez Marie. Ou trouvez copain, ou trouvez que vous, ce que vous voulez. Trouvez votre machine à sperme. Et puis ensuite de ça, ben, appelez-nous lorsque vous aurez semencé et que vous seriez, et que vous semez. Je perds mon française, moi, là. Quand vous serez prête, là, et puis que vos ovulations seront devenues un fêteux, puis que le fêteux, lui, est en train de. Hein, la foire est prise, il y a du genre le loup partout. Alors, madame, mesdames, messieurs, on va demain, je suis aux yeux en 1990. C'est l'homme des communications. Wouh! Quand c'est comme ça dans le bedon, on enlève ça, toi. Enlève-moi ça, les échos. Et puis, lorsque vous vous sentrez comme... Appelez-nous. On verra. Oui, mais si j'ai mon enfant maintenant, là, avez-vous de la place? On n'a pas de place. Pas de place avant 2014. Et puis, pour votre deuxième question, là, à quel moment on peut placer un enfant dans une institution où on prendra soin de lui et on vaquera à ce que vous ne pouvez pas faire puisque vous êtes dans le marché, bien sûr, économique. Moi, je dis facilement, là, bon, vous accouchez, ils vont rentrer les tuyaux là, dans le nez, dans la bouche, les sécrétions... Une fois les sécrétions, vous nous l'amenez, on va vous l'habiller, on va vous le laver, puis moi je dis 5-6 heures après la naissance. Ah, c'est merveilleux, ça, je peux aller travailler après 5 heures. Vous le mettez au monde, là, vous lavez vite, là, à mitaine, comme on dit, à se laver à mitaine. Tu te laves à mitaine, tu t'en vas travailler. Toi, de bien heureux, tu nous l'envoies avant, là, avant d'être bien. Tu te laves à mitaine avant, puis après ça, là, tu l'embarques dans la voiture. Et puis, ça devrait pas pleuvoir. Si ça pleure, vous le nourrissez un peu avant. Puis, nous autres, on s'occupe tout du reste. Là. Les couches, les breuvages, vous nous dites à combien de pourcentage, là, de, parce que nous autres, on fonctionne avec de la vodka. Ils sont plus tranquilles. Et on mélange ça avec le lait. Et puis, je sais, il y a des gens qui nous disent, vous allez faire des enfants d'alcooliques. Ben, oui, on donne, toi. Si tu peux pas les relaxer, moi, je suis contre la médication. Mais les sirops maison, on en fait ici, là. On fabrique du sirop, ouais, de la vodka. 70% d'alcool. 70 degrés d'alcool. C'est fort. Oh, c'est fort. Mais tu mets 3-4 gouttes. Dépendant de l'âge, là. Si vient de naître, là, je te conseille 2 gouttes. Puis là, à 4 ans, c'est au moins 2-3 bouteilles, là. Tu l'envoies à la maison, c'est voilà, il a du plaisir, il rit, puis il s'endort. T'as pas de problème. Tu le laves, il dort. Tu le couches, il dort. Tu le réveilles le matin, petite mal de tête, un petit mal de tête. Mais c'est pas un gros mal de tête, c'est un mal de tête d'enfant, 4 ans. Là. Et puis, nous, on s'occupe de lui faire apprendre des belles chansons, là. On vient de te servir à boire, des choses comme ça, là, très très léger. Et il va avoir du plaisir à la toute fin, avant de quitter pour l'école, la vraie l'institution où il apprendra des choses très pratiques pour sa vie à venir. Eh bien, on fait des numéros avec du monde dans la salle, puis des applaudissements, là, on fait des stestacs comme ça. Comment on dit ça? Pardon. Ouais, j'ai de la misère à dire. Estespascasticastascast. Plus il y a de monde, plus il y a de stascatast. En tout cas, tu fais un spectacle. Un spectacle? Bon, je l'ai eu, hein, spectacle. Mais si tu veux, j'ai oublié le problème, c'est sorti tout seul. C'est comme ça quand vous allez accoucher. Vous allez oublier le problème, pouf! là, le problème vient au monde. Oh! Puis ça, c'est pas jusqu'à 18, là. C'est ta vie. Oh, aujourd'hui, c'est encourageant, les amis. Le 16 décembre 2019, monte le volume et hume la différence. Car c'est parti, mon kiki. Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL le 89.1 à Québec, la plus vieille radio communautaire francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bintumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Rénald Gagné! Ouais, le tueur à la cuillère, là, comment il procédait, lui, c'est simple. Il trouvait sa victime, mais il la laissait marcher en avant. Puis avec sa cuillère, il grattait un peu pour y goûter. Il voulait y goûter avant, tu sais. Est-ce qu'on va aller plus loin là-dedans? Parce que c'est du travail, tu es quelqu'un à cuillère, là. Alors, il goûtait, puis... Oh non, pas ça. Non, non, il me semble que ça goûte un peu trop le vinaigre, là, hein? Je sais pas. Peut-être un problème de nettoyage ou de la sueur répandue un peu partout. Fait que là, il essaie, il prend les... Il marche, il erre, il fait de l'errance. Wouhou! Et puis, en errant, à un moment donné, ben, il trouve la personne adéquate, là, à mettre dans sa collection. Donc, là, il revient. Oh oui, oh, bonne cuvée. Et il s'attaque, comme une hyène. Saute dessus avec la cuillère, puis fling. L'autre, elle pense qu'elle rit parce que, hey, c'est drôle, ça se fait chatouiller, ça, là, alors. Puis, ça meurt pas à cause de la cuillère. Ça meurt de rire, ça meurt, parce qu'ils ne savent plus prendre leur respiration. Comprenez-vous, madame? Là, ça m'a dit, arrêtez! Il a réussi. Donc, c'est une souffrance très jouissante. En fait, c'est même pas une souffrance. Ça le devient peut-être quand tu manques un peu d'oxygène à force de rire. Là. C'est là. T'sais, on sent que ça passe plus, là. Mais ça ne dure pas longtemps. On dit que c'est une souffrance très, très rapide. 0.05 secondes. C'est à peine plus rapide que lorsque vous regardez votre dentier tomber par terre. En vous demandant, c'est ça le problème, là. En vous demandant, j'espère qu'il ne va pas casser. J'espère que tu t'éloignes un peu pour ne pas mettre le pied dessus, là. Parce que tu reviens d'une belle soirée. Hein, t'as été voir, on rend hommage à Tino Rossi's. Et puis, toi, tu savais pas à quoi t'attendre. Le Tino Rossi's, à l'époque, c'était pas pire, là. T'sais, Tino Rossi's, là, le grand chanteur. Tino. Oui. Oui, je vais vous le dire. Rossi's. J'en avais les Gaspésiens, je vous dis dans le sens, Gaspésiens, hein, pardon? Tino, oui. Ou vous pouvez aussi revenir d'un spectacle de Yolande Guérard. Oh, Yolande Guérard. Connaissez-vous Yolande Guérard? C'est rare, ça, là, les gens qui peuvent me dire oui. Levez la main! Courbez la tête! Et dites-vous, je ne recommencerai plus à écouter du... Vous avez le droit. Vous avez le droit d'écouter ce que vous voulez. Vous êtes libre. Pas le choix. Non, pas le choix. Un terme qui m'emmerde, c'est pas le choix. C'est quoi cette idée-là? C'est quoi cette expression-là au Québec là, qui nous brûle les oreilles? Moi, ça me fait saigner le tympan. J'ai pas le choix. On a toujours le choix. Est-ce qu'on peut se rentrer ça dans la tête? On a toujours le choix de tout. Toujours le choix. Il n'y a pas un moment où tu n'as pas le choix. Même à la dernière minute, tu as le choix. T'as le choix de te laisser aller ou t'as le choix de te freiner, mais tu vas partir quand même. Tu sais, t'as le choix. C'est jamais arrivé qu'il n'y ait qu'une porte de sortie. C'est jamais arrivé. Oui! Et c'est pour ça que je vais en venir à ça. Oui. Et encore aujourd'hui, ça arrive constamment à ceux et à celles qui n'ont pas d'ouverture, qui n'ont pas de réflexion, pas le choix. Ben là, j'ai de la salade, j'ai des concombres, j'ai des oignons, j'ai le plat, j'ai les deux cuillères que j'ai volées au tueur à la cuillère, là, il y en avait une, là. Une, c'est gossé en bois, c'est gossé tranquille, mais c'est beau, c'est bien gossé, là. Ah oui, c'est tout doux, bien gossé. Et puis, mais j'ai pas de vinaigrette. Moi, manger ça de même, j'ai pas le choix. Ben oui, t'as le choix! T'as le choix de la manger ou de pas la manger! J'ai besoin pour vivre sur terre de soleil et de pluie, de légumes et de fruits. J'ai besoin de bouger, de dormir et manger. Je ne peux pas vivre sans être aimé. J'ai besoin pour vivre sur terre de rire, de m'amuser et surtout de chanter. J'ai besoin de danser avec le monde entier. J'ai besoin pour vivre sur terre d'aimer et d'être aimé, de prendre et de donner. J'ai besoin de rêver et aussi de penser à celle qui me fait tant aimer. L'idiot du village. L'idiot du village est dans son acceptation première une personne comme localement pour son image née à m'aider à tous les jours de la semaine. Dieu du village. L'idiot du... Montez, Seigneur. L'idiot... Plus haut, Seigneur. Merci beaucoup. L'idiot du village est dans nos sections. Première, locale, désignée, optimiste. L'idiot du village. L'idiot du large est une acceptation qui s'accepte pas. Mais tous les jours, devant, se regarde et ne trouve pas l'humain. Et c'est ainsi qu'il deviendra grand. L'idiot du large. Madame, Popperman, monsieur, l'idiot du village est dans son acceptation première. Une personne connue localement pour son ignorance ou sa bêtise. Cette expression péjorative peut également désigner le stéréotype d'un Reynald gagné mentalement atteint. Enfin, il est parfois utilisé pour désigner quelqu'un d'extrêmement optimiste, irréaliste, voire même naïf, l'idiot du village. Le diable guettant comme un rapace son gibier. Et chez le grand Satan, vous irez brûler, ignorer, ignorer pour l'éternité. Le canot s'éleva, jusqu'au ciel il fut remporté, jusqu'à leur village tant aimé. Chacun n'aime pas les Ramones. Non, ça, c'est pas... non, c'est pas notre famille. Tu sais, des fois, on dit, « Hey, comment va les Fortin? Comment va les Trudeau? Comment va les Gagné? Comment va... » Hein? Bon, non, c'est pas... les Ramones, c'est un mets que l'on mange. En fait, c'est des pâtes, genre de pâtes séchées. Mettez de l'eau, mettez une petite poudre, soit au poulet, aux légumes, ou... au bœuf. J'en connais pas d'autres. Et donc, les ramen, pour des étudiants, c'est un mets que l'on mange régulièrement pour une seule raison. Exactement. C'est sa seule raison-là, parce que sinon, ça serait pas, ça serait autrement. Mais comme ça coûte pas cher, on en mange. Et puis on en mange. Puis on en mange. Hein, on en mange-tu des Ramones? Mais personne ne sait d'où vient le Ramones. Le Ramones il pousse. On l'a poussé parce qu'il était tout près du Québec. Là, on se dit, on gardera pas ça chez nous. Fait que là, on était combien de gars, mais... Germaine, comment on était de gars? Une bonne quinzaine, hein? Hey, ils nous avaient fait boire des boissons énergisantes, là, tu sais, qui rend fou, là. On a bu, puis là, ils nous ont dit « Poussez les Ramones! » On a poussé les Ramones. Ils sont partis du Québec en Ontario en moins de 30 secondes. Après ça, on s'est arrangé pour se rendre à Vancouver, sur lequel on les a placés. Sur un genre de... Ben, c'est pas un genre, c'est un radeau. Le genre, là, tu sais, toi, t'es-tu du genre? Ah, moi, je suis un genre, t'sais, macro-BCBG. Macro-BCBG! T'es-tu aussi, comment t'appelles ça, donc, les sarcophages, là? Les sarcophages, oui, les sarcophages. Es-tu de version sarcophage? Ben, il me semble que je suis pas encore mort. Fait que là, avant de mourir, on les a poussés, là. Les Ramones, dans une barque, un peu comme Tom, voyons donc comment tu l'appelles, là. Tout est fini entre nous. Non, c'est pas celle-là, c'est Mark Twain! Bon, je sens l'ignorance ce soir. Ça, c'est un nom qui s'est donné parce qu'il allait souvent dans les bars. Et puis, il va le doigt, puis là, tous les bonhommes disaient « Twain! Twain! » Il dit « Ouais, Twain, non, de Twain, non, ouais, de Twain, non, ouais, de Twain. Ah, ouais, de Twain, on tomorrow, and when the train, see my little name, it's on the way. » C'est de la train, ça. C'est trop train. C'est, ouais, il arrivera pas. Le train ne sifflera pas trois fois. J'étais amoureux, j'avais pas encore 16 ans. J'étais amoureux, je la voyais tous les dimanches dans sa robe de satin blanc. Dans le parc on marchait ensemble, elle s'assoyait sur un banc. J'écoutais le souffle charmant de sa bouche sur mon cou. Elle avait deux fois mon âge, belle comme le printemps. Comme un fruit dont on se lasse, à peine 30 ans. Je m'allongeais à sa place, dans son lit parfumé blanc. Elle avançait gracieusement, glissant de sa robe. Glissant de sa robe, que j'aimais ses yeux félins quand elle me couvrait. Son corps tombait sur le mien, j'étais son homme, son jeune, son chum, comme un papillon qui naît, allongeant grand de mes ailes, sortant de chez elle. Ébloui de prendre le vent, plein de tendresse, je me suis fait mal en tombant, plein de tendresse, mais je me suis relevé. J'étais amoureux, j'avais pas encore 16 ans. J'étais amoureux, je la voyais tous les dimanches dans sa robe de satin blanc. Dans le parc on marchait ensemble, elle s'assoyait sur un banc. J'écoutais le souffle charmant de sa bouche sur mon cou. Elle avait deux fois mon âge, belle comme le printemps. Comme un fruit dont on se lasse, à peine 30 ans. Je m'allongeais à sa place, dans son lit parfumé blanc. Elle avançait gracieusement, glissant de sa robe. Glissant de sa robe, que j'aimais ses yeux félins quand elle me couvrait. Son corps tombait sur le mien, j'étais son homme, son jeune, son chum, comme un papillon qui naît, allongeant grand de mes ailes, sortant de chez elle. ébloui de prendre le vent, plein de tendresse. Je me suis fait mal en tombant, plein de tendresse. Mais je me suis relevé tout le temps. Oh, oh, oh. On les a poussés et puis ils se sont malheureusement, ils ont pas coulé. Ah non, ils sont partis mais à la dérive. Ils sont arrivés à quelque part. Puis là, comme c'était venteux, ce quelque part là c'était venteux, mon champion, c'était incommensurable, ça faisait peur aux cheveux. Le cheveu rentrait à l'intérieur de ta tête pour pas toucher à ce vent-là, pour pas que le vent il touche surtout. Parce que c'est le vent qui touche. Le cheveu, il faut pas toucher, lui. Non. Lui, c'est tellement humble, un cheveu. Un cheveu, ça reste sur ta tête, puis ça attend, bon, tu reçois un peu de pluie. Du gras de la tête, tu sais, parce que les cheveux gras, ça même, puis ça dépend du travail que tu fais, tu sais. En tout cas, mais c'est un cheveu, on devrait faire une émission spéciale sur le cheveu. Parce que le cheveu mérite d'avoir un discours. On doit discourir, merci madame. On doit discourir, vous êtes très gentil, le mot discours. On doit discourir sur le cheveu. Sans le couper en quatre, là. Hein, quand même. Il est beau comme ça dans son entité. Pourquoi trancher la question? On peut l'évaluer, tu sais, le poétiser. Ah, que le cheveu a chevonné. Ma vie est un shampoing. Rinçage à l'eau tiède. Et j'espère qu'il survivra au séchage vulgaire de ma serviette. Parce que moi, ma serviette, malheureusement, madame, on va vous dire ce qui se passe, madame. Madame, à chaque fois que je dis madame, j'entends Piaf qui chante Madame, Malovi, Tibuli, Sous-Jouillère. Madame. Et c'est un cheveu, ça, là qui tient à rester humble. Parce qu'il y en a juste un. Il est-tu fier, pète? Il est unique. Moi, gars. Bon, oui, j'ai juste un cheveu sur le caillou. Oui, j'ai un cheveu sur ce caillou-là, puis je suis bien content, moi, là. Personne ne va me couper. Personne. Si quelqu'un vient moi, je me sache une mitraillette, moi, là. C'est un cheveu à mitraillette. Attends, ça n'a pas l'air, c'est une petite mitraillette. Tu sais rien. Mais ça envoie des gouttes. Et ces gouttes-là, ça vous fait mal aux yeux. Vous perdez connaissance. Vous chantez la compagnie créole à l'envers. Et puis, vous adorez les albums d'Alain Morissette et Swiss Space Boss. C'est-tu pas, hein? C'est fort. Je te dis qu'avec ça, là, tu restes heureux jusqu'à la fin de tes jours. Personne. Il n'y a plus personne. Mon âme qui s'affole en prenant son envol me laisse inanimé. Personne. J'ai personne. Je ne sais pas si j'ai peur. Tu regardes d'en haut le corps de ton esprit, nos visages à l'envers, tout peut. a plus personne. Mon âme qui s'affole en prenant son envol me laisse inanimé. Rentrer dans cette forêt poétique et j'ai trouvé du bois. Il n'est pas question d'aventure, séduire le temps disparu. Le cœur garde pour toujours, malgré nous, en mémoire nos amours. Peu importe les voyages que l'on fait jusqu'au bout de nous-mêmes, le cœur reste pour toujours, malgré tout, fidèle au rendez-vous. Plonger trop loin l'aventure, difficile d'en revenir. La musique me faisait mal, même banale, c'est pire. Casser la gueule de mes souvenirs, en changer les images, trahir le secret de tes désirs. J'ai tout fait pour que s'arrête l'éternelle histoire d'amour. Quelques coups de téléphone, jouer comme personne le rôle d'un fou. Aujourd'hui le temps m'épuise, j'ouvre mon jeu comme un livre. J'avais trop peur pour moi, c'est laisse ma chanson prédire à ce que malgré nous, tout ce que l'on a pu vivre dans nos cœurs restera toujours. Casser la gueule de mes souvenirs, en changer les images, trahir le secret de tes désirs, le démolir. Aujourd'hui, le lundi 16 décembre, ou 19, aujourd'hui, le lundi 16 décembre 2019, l'errance. Les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes. Les problèmes liés au boulot et au ciboulot, confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref. Apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans un enchantement narratif, unissons-nous autour de mon ami Olivier, qui représente le groupe Pike. Ben, c'est un être exceptionnel, extraordinaire, qui vit pour la musique, qui est musique. Il me fait plaisir de vous l'offrir comme une perle que l'on vient de trouver et que les vagues ont laissé souffler ce joyau. Olivier du groupe Pike. Bonne émission. Troqué ma guitare et mes rimes débiles pour l'usage du monde, un livre trop sublime où l'aventure humaine est belle et sans victime, où l'aventure humaine ne connaît pas la haine, et tant mieux. De Mossad à Kaboul, en passant par Belgrade, des visages s'éclairent, des visages affables partagent leur repas sans attendre un retour, juste un peu de musique, langage universel d'amour. C'est toujours le plus pauvre qui te tendra la main, c'est celui qui n'a rien qui aidera son prochain, t'offrira sa culture et un bout de chemin pour mieux connaître son peuple et mieux connaître le tien, j'en suis sûr. De sourire édenté en sourire identique, de terre côtoyée en terre que l'on quitte, échevillé au corps ces paysages magiques couchés sur le papier pour immortaliser votre fuite. Baladin romantique, désolé je vous offre cet hommage pathétique qui vient du fond du cœur et du fond de mes tripes. Alors à la prochaine, dans un monde sans chaîne et heureux. Avez-vous pris un verre tout à hier avant de. Ouais. Ça s'est terminé assez tard? Après chez Isa, ça finit tard. Ah, parce d'accord. qu'elle m'hébergeait. Oui. Ah, ok. Parce que tu habites en région? Hein? Parce que tu habites en région, tu habites loin? J'habite à Aix-en-Provence, j'habite dans le sud, moi. Ok, mais t'es venu uniquement pour rencontrer Isa ou pour Yann? Pour toi et pour rencontrer Isa aussi, que j'avais jamais vu. Tu as jamais vu Isa? J'avais jamais vu, je l'ai eu au téléphone et tout ça. Donc c'est la première rencontre, c'était hier, quoi. Ben voyons. Ben oui. Ah, je savais pas. J'ai l'impression que c'est comme si on se connaissait, tu vois, depuis... Ah oui, c'est ta soeur. Ouais, depuis des années, quoi. Ah ouais, elle est tellement gentille, tellement... Ouais. Alors vous avez fait un peu la fête. Ouais, on s'est couché, il devait être presque 4h, 3h40, quoi. Ben écoute, moi aussi, alors ça tombe bien, ouais. Donc, je suis content de te voir, Olivier. Ben moi aussi. Ben parce que hier, on a pu entendre ce que tu as fait. Hey, la captation, j'ai écouté ça, merveilleux. Ouais. Le son impeccable. Allez. Super, on entend... tous les mots que tu dis, ouais. Même j'avais peur pour Renaud parce qu'il chantait pas fort, donc ouais. Avant, parce que je l'ai déjà enregistré il y a quelques années, sa voix était plus puissante, ouais. Il était plus reculé, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais peu importe, ouais. Le son était extraordinaire, okay. Voilà pourquoi je prends trois micros, ouais. Il y en a donc, toujours... Il faudra que tu enlèves quand même la première, où je faisais des notes qui étaient fausses, parce que c'est le guitariste qui fait ça, bah, c'est ça là, tu... Je t'ai amené un truc, oui, ben oui, tiens, je t'ai amené une clé, ou attends, hop, toujours plein de clés, hop, tiens, je t'ai mis Pike dessus, okay. Donc dessus t'as quatre sons, t'as deux chansons qu'on est en train de mixer là, parce qu'on est passé en studio en octobre, donc ils sont finalisés ceux-là, okay. Donc tu les as dessus, okay. Et t'as deux morceaux où on est en duo avec De Gratte aussi studio, donc voilà, comme ça tu pourras avoir les deux. Mais est-ce que tu te représentes en tant qu'auteur, compositeur, interprète ou si tu fais partie d'un groupe? Moi c'est moi qui suis auteur, compositeur, interprète, okay. Mais je fais partie d'un groupe. Alors voilà. Tu vas à la fois ton matériel personnel et le matériel du groupe. Si tu veux, moi ce que tu as vu, je sais pas si c'est ce que tu as vu sur Facebook, oui. Ou quoi. Ben moi je suis en solo, c'est pour voilà, ça que je trouvais ça étrange que, ouais. T'étais, que... C'est, moi c'est en fait ce que tu vois, c'est des maquettes que je prépare pour le groupe. Okay. Et en fait je prends l'attention un peu des gens, tu vois, pour voir. Oh, oui. Ce qui marche, okay. Ce qui marche au moins. Et après, à partir de là, on commence à travailler sur les arrangements et tout ça. Ah, donc ce que tu vois en fait quand tu me vois seul, c'est du brut. D'accord, ok. Voilà. C'est une maquette. Ok. Et après, nous, on travaille après les arrangements dessus. Est-ce que ça fait longtemps que tu fais de la musique? Ça fait à peu près 25 ans. À peu près 25 ans. Mais ça a été espacé. Okay. Là vraiment avec le groupe, c'est un truc qui commence à prendre, tu vois, bien prendre chez nous, tu vois, à Aix. Et voilà, donc là on Mais comment le groupe s'est forgé? C'est des amis? Oui, c'est des copains. Ouais. Vive les amis, hein. Oui, ça, ouais. Ça nous amène loin, hein. Même ça nous amène à Paris, à Montmartre. C'est clair. Ouais. Et si tu veux, ce qu'il y a de rigolo, c'est que le premier concert qu'on a fait en tant que groupe Pike, on l'a fait pour une radio. On l'a fait pour une radio FM sur Aix-en-Provence. Associative? Oui, qui s'appelle Radio Zinzine, une très très bonne, très, très bonne radio. Zinzine? Et, Zinzine, ouais. Ah, j'adore. Ouais. Tu connais? Non, j'adore. Zinzine, j'adore. Ouais. Et ben, si tu veux, Marc, qui s'occupe de l'émission, c'est un peu comme toi, donc les personnes qui l'aiment bien, ouais. il les rencontre, et le premier live qu'on a fait, on l'avait fait dans un café. Ah oui. Donc, voilà. Un donc, peu comme hier, à l'endroit où on était. Voilà. Okay. Donc là, après, tu vois, t'as le public et tout ça. Donc on a commencé à deux en 2016, et en 2018, on avait vachement tourné, tu vois, à deux, et on s'est dit, à un moment donné, t'arrivais à une limite. Ouais, ouais, ouais. Et on voulait autre chose, voilà. Ouais. Plus de rythme, plus de... Vraiment le son de groupe. Le son de groupe. Et non pas un duo. Voilà. Donc c'est pour ça que maintenant voilà, on a une formation à quatre et là ça prend bien, quoi. C'est pour ça que ce que tu vas écouter est beaucoup plus rock. Ok, ouais. Voilà. Mais les moi si j'ai vu des photos et vous étiez des guitaristes, les quatre. Ah non, alors t'as un batteur, ouais. Et on a une disposition qui est étrange parce que c'est, okay. c'est une batterie, mais il a le caron aussi, donc il joue avec du caron, il fait des chœurs. il fait du piano aussi sur certains morceaux. Après, tu as Patrick qui est à la guitare en lead solo, qui fait les arrangements. Très très bon guitariste. Et Manu, qui est un bon bassiste, est à la basse. Et moi, la guitare rythmique. Ok. Voilà. Okay. Donc, tu as deux guitares, une basse et. Mais à quel moment, qui vous avez choisi pour élargir votre groupe? Est-ce que ces gens-là sont venus de leur plein gré ou si tu les connaissais? On les connaissait, ça faisait des années qu'on parlait de musique ensemble, c'était des musiciens. Donc, alors, tu savais comment ça allait, que ça pouvait sonner? Tu sais jamais comment ça va sonner. Tu sais que tu as du feeling avec les personnes. Et tu te dis, oui, je me vois bien faire, toi, un bout de route avec eux, parce que tu t'entends déjà bien. Et après, le reste il s'est avéré que, comme c'est des bons musiciens, ça a pris dessus. Et ce qu'il y a de bizarre, c'est qu'on est tous d'horizons différents. C'est-à-dire qu'on n'écoute pas la même chose. Il y en a qui sont plus jazz, d'autres plus pop. Ben, si tu veux, le bassiste est beaucoup plus métal. Oh, beaucoup plus intéressant. Métal. Voilà. Donc, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il amène sa couleur. Ouais, il amène sa couleur à lui. Seb, qui est le percussionniste, lui, il est chanson française, anglaise et tout ça. Il n'a pas tellement de. Moi, j'ai été baigné par Renaud. Donc, ah ouais. Et Renaud, Noir Désir et tout ça. Donc c'est plus ça. Et les Beatles, bien sûr. Mm-hmm. Grosse influence. Ouais, et Patrick, lui est influencé Oasis, tout ce qui est Britpop. Et lui nous amène ce côté-là. Donc t'as un mélange en fait des quatre personnes. Ça s'appelle un osmose intéressant. Voilà. Et l'énergie naît à partir de ça. Voilà. Est-ce que ton groupe à quatre évolue depuis longtemps? 2 ans, c'est ça que tu dis? Ça fait 2 ans. Ouais. Mm-hmm. Est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe là? Les chansons se font, le noyau commence à grossir et à prendre forme pour pouvoir éventuellement faire un CD ou... Ben, si tu veux, là ce qu'on a fait, on a préparé un EP de 6 titres. Oui. Donc voilà. Donc on est en train de finaliser tout ça pour le mixer, vraiment vouloir le son qu'on veut et pour pouvoir le sortir. Et puis après, oui, nous, quand on est sur scène, on arrive avec que de la compo et tu as 17 morceaux de compo. Mais vous êtes avant tout un groupe de scène parce que le duo a fait beaucoup de scènes de scène. Et donc, ces chansons-là ont très bien vieilli, comme on disait, sur scène. Et après ça, vous allez les placer dans la pastille, sachant bien ce que ça va donner. Si tu veux, quand on a enregistré comme on faisait à l'ancienne, en prise directe. Okay. C'est-à-dire ouais. En groupe. Ouais, comme Drell faisait. Et après, voilà. Et après, les voix, moi j'ai fait les voix après des morceaux. Mais si tu veux, voilà, pour avoir l'osmose du groupe et se retrouver le feeling qu'on a sur scène, on l'a joué comme ça. Mais toi, qu'est-ce qui t'a amené à la musique? Est-ce qu'à la maison, tu entendais beaucoup de disques? Est-ce que ta mère écoutait, je ne sais pas, Brassens, c'est ton père? Ma mère écoutait pas mal Renaud, donc j'ai toujours, j'ai toujours baigné là-dedans. Puis mon papa est comédien de théâtre, donc j'ai toujours vécu là-dedans. Un spectacle vivant. Voilà. Donc tu connais un peu les rouages et... Les difficultés aussi du spectacle vivant. Il en vivait ton père? Oui. Okay. Donc j'ai eu il a eu de la chance d'avoir toujours restant toujours dans le sud de la France. Ben non, lui il est monté aussi à Paris, tu vois, pour le théâtre et tout ça. Donc il partait 2 mois, 3 mois, après il revenait. Mais après, après dans le sud, et puis voilà, des apparitions dans des films, dans des séries, dans des. Voilà. Lui il a toujours bien. De son art. Ok. Et puis toi, à quel moment tu t'es dit je vais me consacrer entièrement à la chanson, je vais abandonner le travail alimentaire? As-tu encore un boulot alimentaire? Oui, j'ai un boulot. J'ai un boulot. Ok. Et que tu peux. Vous n'êtes pas encore prêt. Toi, en tout cas, tu n'es pas encore prêt de quitter ça pour te consacrer entièrement à la chanson? Si tu veux, c'est un peu compliqué parce qu'on a tous des. On a tous des un boulot à côté. Un boulot à côté. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est vraiment, tu vois, arriver à un moment donné à écrire pour les autres. Ok. Voilà. Et si on a une opportunité, bien sûr que, voilà, on saisira l'opportunité de faire quelque chose. Ouais. Mais on n'a pas encore cette optique, tu vois, de se dire, on va tout plaquer pour faire ça. Non. Il faut encore une sécurité, s'il vous plaît, pour sauver. Ouais, sinon, il faut la chanson. Voilà. Quand il n'y a plus d'argent, il n'y a plus rien, voilà. Malheureusement. c'est pas la mer à boire de quitter Saint-Malo. Non, c'est pas la mer à boire que le noir soit mon drapeau. Juste une fois, une dernière fois encore. Juste une fois, toute voile dehors et quitter le port. C'est pas la mer à boire, de boire vu qu'il en faut. Non, c'est pas la mer à boire, de vivre au fil de l'eau. Juste la mer, l'horizon mon bateau. Juste pour mes frères, compagnons, matelots qui ont laissé leur peau. C'est pas la mer à boire, de voir venir le bourreau. Mais juste la fièvre qui me colle à la peau. Et sur la grève, je vois mourir les rouleaux, le dernier sursaut. De crever en héros. Non, c'est pas la mer à boire, de se balancer tout là-haut. Mais juste le ciel et là-bas les bateaux. Mais si se ferme, je t'embrasse Saint-Malo, et à bientôt. On est dans une société de consommation. Oui. Hein. Mais est-ce que tu vois l'évolution du groupe depuis les deux musiciens que vous étiez jusqu'à aujourd'hui? Ça n'a plus aucun rapport. Ça n'a plus aucun rapport parce que les... ça s'est surenchéri, donc ça a pris une forme. Et si tu veux, ça mène un dynamisme qu'il n'y avait pas avant. Parce que quand tu es à deux guitares, tu es vite limité. Ouais. Donc, le concept, c'était une guitare acoustique et une guitare électrique. Ouais. Mais après, on était vite limité parce que les morceaux commençaient à devenir rock. Et il nous fallait une bonne basse rythmique derrière, et on l'a trouvé, et c'est une très bonne basse rythmique. Et ça vous a donné des ailes, les deux? Ça te transforme, même moi, ma façon d'écrire, ça la transforme. Ah ouais, okay. Puisque tu la penses autrement maintenant que tu es à 4. Tu sais que ça va sonner, et voilà. Les mots, tu essaies de sonner aussi bien que la musique. Et tu sais que quand tu vas placer un mot, tu sais que le batteur, voilà, il va être là, voilà, pour que vraiment te donner, pour appuyer. Ouais. Qu'est-ce que tu veux raconter lorsque tu trouves ça? Ça parle de ma vie, moi, parce que tout ce que j'écris, les bonheurs, les malheurs, puis un peu la vie de tous les jours. Quoi. Mais est-ce que tu sens que ton écriture s'est modifiée avec les années? Tu as plus de facilité, oui. Ou au contraire, c'est plus compliqué pour toi? Non, j'ai plus de facilité. J'ai une facilité à écrire pas mal. Alors après, il y a, comme on dit chez nous, il y a à boire et à manger. Ah ouais, c'est-à-dire que donc il y a les trucs qui sont bien et les trucs qui sont moins bien. Donc on garde le bien. Et puis voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que je leur amène tellement de musique et de. Et là, on peut décider, quoi. Est-ce que c'est difficile de joindre les mots à la musique? Je fais tout en même temps. Moi. C'est-à-dire que je prends ma guitare ou je me mets au piano et je fais tout en même temps. Ok, les mots ne sont pas déjà étalés sur une feuille. Non. Donc, si tu veux, j'ai besoin. Tu mets ton magnéto et tu pars. T'essayes de faire quelque chose. J'ai besoin d'avoir cette base-là et un mot, un son, tu vois. Un mot va me donner la substance pour pouvoir écrire tout autour du mot, quoi. Faire un canevas derrière. Alors, t'as pas de sujet? Le sujet au départ, vient au fur et à mesure, ouais. On peut dire que c'est les mots qui amènent les idées. Ouais. Parce que Gainsbourg, c'est ça qu'il faisait, c'est les mots qui amenaient les idées. Donc, il pouvait partir d'une phrase et puis après ça, ça tissait un tableau et ça se terminait par une fresque exceptionnelle. Donc, c'est un peu C'est comme ça. Et t'es surpris des fois à la fin de te dire. Je le finis comme ça, c'est toi, c'est pas mal, je le voyais pas comme ça au départ, et en fait c'est les mots qui t'amènent jusqu'à la fin de ton histoire, quoi. Alors après t'as toujours en tête, tu vois, quelque chose, tu veux parler de quelque chose, mais c'est vrai qu'avec un mot tu peux faire. Mais j'ai remarqué hier que lorsque tu t'es présenté avec la guitare voix et les deux filles qui se sont rajoutées, ça a donné une mélodie exceptionnelle. Ouais. Même tu as pris des contacts. Hein, oui. Mais c'était beau. Étais-tu surpris de la beauté que ça pouvait donner quand tu chantais? Ben, puis elle, c'est le plaisir. Après, on en a reparlé avec Marine. Parce que figure-toi qu'en fait, entre musiciens, on est toujours en contact sur Facebook. Ah ouais. Et quand j'ai vu tu les connaissais quoi, ces filles? Mais quand j'ai vu Marine arriver, je me suis dit, attends. Je dis, mais je la connais. Et en fait, je l'avais en contact. Ah oui, ami Facebook. Oui, donc après, voilà, bon, on a discuté et tout ça. Donc, et c'est beau, hein, quand on rajoute juste deux voix féminines à la guitare, c'est merveilleux. Ouais. Ça se rend loin. En plus, elles ont de superbes voix, là, toutes les deux. Voilà. Merveilleux. Ouais. Ça devient presque astral. Ouais. Moi, j'étais tellement surpris. Puis, c'est vraiment pas grand-chose, elles étaient à côté de moi. Elles rajoutent des coups. Ouais. Les deux ensemble, c'était très c'est très. Et tu vois, c'est ce qu'il y a de bien dans les rencontres que tu proposes. Là. C'est bien, c'est, hein? C'est ça. Ah, ouais. C'est ça. Ouais. C'est de se faire plaisir et tu te fais un bœuf avec des musiciens. Mais c'est l'effet Largan aussi qui se tisse à travers toutes ces rencontres-là. Ouais. Les musiciens qui, dans leur chambre à travailler, ne voient pas les autres. Et là, nous sommes dehors, nous sommes entre artistes et tout le monde s'aide, s'entraide et se pète la guitare. Et c'est ça, le spectacle vivant. C'est une belle surprise. Tu as le bonjour, je ne sais pas si tu te rappelles, elle m'a dit que tu lui passeras le bonjour à Rénal de Camille Feist. Que j'ai rencontré l'année dernière. Eh ben voilà, elle te passe le bonjour. Je vais la voir. Tu l'as rencontré où? Ben, en fait, je l'ai en contact et je l'ai eu au téléphone, je lui ai dit écoute, je vais voir Rénal. Et donc, je vais la voir à Ménilmontant à 14h et quelques. Oh, on va boire un pot ensemble. Fille extraordinaire. Ouais. Fille extraordinaire qui a travaillé sur un album là, d'une subtilité sans fin. C'est point, très bien ce qu'elle fait. Ah, tu l'as entendu là? Oui, mais moi je lui partage ces trucs. Moi aussi. Ouais. Ben, c'est ça, entre musiciens, vous n'êtes vraiment pas frileux. Oui. Puis c'est étrange, hein, parce que je me considère sans le vouloir comme un passeur. Donc, c'est vrai. Et ça se fait tout seul. Les mini-concerts, c'est de voir les artistes qui, comme hier, s'entraider pour la cause de l'artiste qui chante. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'en plus, là, quand tu te rencontres, on a chacun notre univers. Oui. Et c'est ça. C'est ça qui donne la couleur. Une couleur musicale, parce qu'il n'y a pas juste un style, il y a tellement de styles, il y a tellement d'influences. Et chacun est soi-même. Puis sur les façons d'écrire aussi. Et ton travail sur l'écriture, est-ce que tu sens que ça a été. Que tu t'es peaufiné, que ça s'est modifié, ou il y a des sujets que tu ne voulais pas aborder, que tu prends de. Alors, de front. Au départ, je parlais souvent de ma ville, de l'ambiance de la ville. Ça y est toujours. Il y a toujours l'enfance qui revient, la ville. Mais ça s'est peaufiné, ça s'est affiné au fur et à mesure. C'est un exercice au fur et à mesure que tu écris. Voilà, tu je trouve qu'on s'améliore. Chanson québécoise. Le temps est beau, le ciel est bleu. Le ciel est bleu. Celui qui a écrit ça, c'est Stéphane Benn. C'est le Gainsbourg de chez nous. Ah ouais. C'est québécois? Je connais pas. Non, c'est pas connu. Ben, chez nous, oui. Ouais. Hey, c'est fou, je suis ici, j'entends ça. Non, mais c'est pas trop. Excuse-moi. Et il fallait que je réagisse. Ben oui, mais que, tu bon, fais c'est bien. C'est très, très bon. Mais ça a été remis dessus. Ouais, c'est... Ils l'ont mis plus techno. Puis je sais très bien qu'il l'a fait. Ouais. Je... on va revenir à toi. OK, oui. C'est fabuleux. Il n'y a pas de hasard. Je n'ai jamais cru au hasard. As-tu plus de difficultés aujourd'hui à écrire? Non. Non, j'ai pas de difficulté à écrire. Peut-être vraiment être content, tu vois, d'une. Je marche beaucoup par image, moi. De trouver la bonne image, tu vois, au bon moment dans le texte. Mais non, j'ai pas plus de difficultés que ça à écrire. Peut-être plus de difficultés après à pas rester dans la même atmosphère, tu vois, musicale. Et ça, après Patrick, tu vois, quand on passe à l'arrangement, tu vois, donne la couleur aussi du morceau. Est-ce que tu jettes beaucoup? Je garde tout, moi. On ne sait jamais. Je garde tout. Parce que tu vois, si je finis pas la chanson en une demi-heure, un quart d'heure, si tout n'est pas bouclé, je sais que ça va être très compliqué et je vais jamais y revenir. Mais je garde parce que dedans, il y a toujours, tu vois, une phrase où je peux me dire, ah, celle-là, je vais pouvoir la prendre et je vais pouvoir la mettre. Okay, moi, alors, je ne jette jamais. Tu utilises sur une chanson plus moins forte les côtés les plus juteux, les plus importants. C'est pour et ça tu jettes peut-être ce qui est un peu plus mou. Oui. Après, tu gardes toujours les... Alors, tu fais du collage. Oui. Ouais. Es-tu surpris de voir souvent la chanson terminée et te dire « Hey, c'est moi qui l'ai... » Je ne suis pas surpris de ça, je suis surpris de la tournure qu'elle prend. Okay. Tu vois, parce que tu peux partir sur un premier couplet, même si tu n'as pas d'idée précise, je crois que ça va aller dans ce sens-là, mais non. Parce que les mots t'amènent, tu vois, t'amènent ailleurs. Mais les mots, est-ce que c'est des mots qui ont changé avec les années ou c'est des mots que tu réutilises? Est-ce qu'il y a des mots fétiches dans ton univers? Oui, il y a vraiment des mots fétiches. Tu as beaucoup de chansons, tu as la lune revient beaucoup, l'enfance, les enfants, ça revient beaucoup. Je crois qu'en fait, je suis toujours dans mon monde d'enfant, j'ai pas grandi. Et tu as envie de retrouver ça, tu vois, ces instants, tu vois, comme l'odeur d'un gâteau de la maman en prépare, garder ces trucs. Et ça, à partir de là, tu peux créer, tu peux... Alors, c'est ton enfance qui revient à la surface lorsque tu... Ouais, parce que quand tu as des coups durs ou des moments de blues et tout ça, t'as envie de... J'ai écrit sur le mur, la mort ne mourra pas. J'ai écrit ça, c'est sûr, des choses de plus connes que ça. J'ai vécu tant de vies que je ne m'en souviens pas. Des visages qui s'enfuient et d'autres que je ne connais pas. Mais je sais qu'il y a toi, et je sais que tu es là. Et je sais que tu es là pour moi. Si je vois tout en gris, c'est qu'une blessure en moi s'est glissée dans la nuit et comme qui dirait a jeté un froid. Une tristesse infinie, même heureux, je ne suis pas comme un. Manque à ma vie la pièce manquante que je ne connais pas. Mais je sais qu'il y a toi, oui je sais que tu es là. Oui je sais que tu es là pour moi. Il était fini et l'hiver. l'hiver me tend ses bras juste un dernier sursis, un bras d'honneur qui veut plus de moi, mais je sais qu'il y a toi. Oui, je sais que tu es là. Oui, je sais que tu es là pour moi. C'est pas bon moment, ça. Tu vois, par exemple, la chanson que j'ai chantée hier, ouais. Il y a toi. Mm-hmm. Ouais. Ouais, mais tu sais qu'il y a toi. Les gens vont se dire, ouais, ils chantent, c'est pour une fille. Pas du tout. Je me parle à moi, okay. À moi, gamin. Ah, ouais, ouais. Je dis, je sais qu'il y a toi et tu seras toujours là pour me être le garde-fou et me protéger. Quoi. Ouais, ouais, c'est en fait le lien que tu fais avec l'enfance. Voilà. Et tu essaies de rester branché à l'enfance pour mieux créer et surtout pour mieux vivre. Ma vie, pour mieux vivre ma vie d'adulte. Ouais, c'est ça. Mais tu vois, c'est ça la beauté d'une chanson, c'est que chacun va prendre ce qui l'intéresse. Et moi, à chaque fois, on me dit, tu parles d'une femme. Non. Toi, est-ce que tu le dis? Moi, je le dis pas, je te le dis là. Non, mais oui. Tu gardes voilà. Le suspense, tu voilà. Gardes ce que les gens se sont voilà. Fait. Mais t'es pas aussi là pour trahir l'idée que, parce qu'une fois que tu fais une chanson, tu la tires à la mer, donc oui. Vous la prenez comme vous voulez, oui. Parce que tu y peux rien après. Oui. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent te voir après et qui disent, ah, tu m'as fait du bien, il y a une chanson là. Qui parlait de moi sans savoir que tu te retrouves souvent dans des chansons, dans des histoires d'amour qui finissent mal. T'as plein de gens, oui, qui viennent nous voir et tout ça, mais ce qu'ils aiment, c'est le feeling et le groove du groupe. Le groupe est réceptif à tes mots, ils sont dit, oh, ben celui-là, je me sens. Comme c'est toi qui chante. Alors, oui, ils sont réceptifs. Je travaille beaucoup sur les sonorités des mots. Donc, la consonance de voilà. Ce que ça... Donc, si tu veux, après, quand tu as des vrais musiciens dans le groupe, eux, les mots, ils s'en foutent un petit peu. Ce qu'ils attendent, c'est la musique. C'est la sonorité. Ah ouais, c'est ça, la musique. Tu vois? Ah ouais. Voilà. Donc, sur la sonorité des mots. Ah, la sonorité vont, des voilà, okay, okay. Ouais, vont, sonorité vont, des mots et de la voilà. Musique, qu'est-ce que ça va donner voilà. Après, ils connaissent les paroles, tu vois. Mais pour eux, c'est mon job. Et après, eux, derrière, ils font, je te dis, un super beau Canova derrière. Est-ce que tu veux travailler sur ton propre nom ou utiliser un nom de groupe? Un nom de groupe. Pourquoi? Parce que j'aime ce partage. J'aime, tu vois, me... Même si les gens s'imaginent que c'est le groupe qui a écrit la chanson? Oui, j'ai pas de... Tu t'en fous? Ouais, non, mais je m'en fous. Non, mais après, tu sais, les gens nous demandent à chaque fois. Et il n'y a pas de problème avec ça. Moi, je dis non, c'est moi qui... Non, mais sur scène, tu ne dis pas parole... Non. Je ne dis pas... C'est le groupe Pike qui se produit. Et puis, après, les gens le savent, quoi. Qui écrit, qui fait quoi. Ils savent très bien que je fais la musique, tu vois, et les paroles. Que Patrick arrange avec Manu et Seb, quoi. Ils le savent, ça. Olivier, parce que là, on dit Olivier Pike, OK? Oui. Mais c'est pas ton nom, c'est Pike. Pas bon, c'est pas c'est bon. Le nom du groupe. Alors, ouais. Tu utilises ton prénom avec le nom du groupe. Voilà. Okay. Ouais. Même sur Facebook, c'est Olivier. Ouais. On pourrait croire que ton véritable nom, c'est Olivier Pike. Ouais. C'est Olivier du groupe Pike. Voilà, OK, c'est ça. Mais est-ce que tu joues beaucoup sur ça? Mais quand on voit les affiches, c'est uniquement, c'est pas Olivier, c'est Pike. Voilà, c'est Pike. Okay. Ouais. Okay. C'est Pike. Tu me vois pas sur les affiches. Okay. C'est-à-dire que pour moi, le groupe, c'est une entité. Quoi. On est tous ensemble, c'est le groupe. Mais c'est plus facile là, aujourd'hui de proposer des musiques parce que vous connaissez après 2 ans oui. Quand même le groupe au complet, les 4 oui. Musiciens. Donc c'est plus facile, c'est moins complexe. La magie s'opère plus rapidement. Non, c'est la magie ou pas? Oui, c'est ça. Moi, je c'est comme au début, donc il n'y a rien qui... Pour moi, c'est toujours magique parce qu'on essaye à chaque concert, quand il y a une nouvelle chanson, de la présenter au public comme ça, sans filer. C'est-à-dire qu'on l'a répété une fois, on a établi quelques trucs et d'essayer de la faire sans filer pour voir les réactions du public. On annonce que c'est une nouvelle chanson. Donc les gens sont plus attentifs, hein? On voilà, passe une chanson, oui, on dit passer une chanson, ouais, donc... Voilà. Oui? Et et les gens sont réceptifs, tu vois. Ben oui, ils sont plus attentifs ici. Ouais. Parce que là, ils doivent se dire, il ne faut pas qu'ils se trompent. Ouais. Donc, on va rester plus tranquille. On va être, Après, si tu veux, tu as tellement l'habitude de jouer que quand tu te trompes, il n'y a plus que toi qui le sais. Ouais, okay. Et le groupe. Okay. Voilà. On ne recommence pas pour ça. On continue. Gainsbourg disait ça, hein, si tu te trompes, il disait ça à ses étudiants souvent. Si tu te trompes, tu continues. Ben, il disait ça à Charlotte. Ouais. Arrête-toi pas et recommence pas. Là. Ouais. Continue. Ah oui, oui, non. C'est bien aussi parce que ça fait que l'artiste peut enchaîner sur l'erreur et le public ne s'en rendra même pas compte. Ouais. Souvent. Ben, après, si vraiment tu étais une personne hyper connue et que tes textes sont hyper connus. Ah ben là, ouais, là, pas trop là, le choix. Ouais, ouais, là, il faut. Et encore, moi j'en ai vu, il se trompe, il continue, il n'y a pas de. Là, t'as plus. Les gens me disent ah oui, mais il n'a pas chanté pareil, oui, c'est trompé. Tandis que là, nous, pour l'instant, il y en a maintenant sur X qui connaissent un petit peu. Mais pour l'instant, les gens voient rien. C'est à ça que je veux en venir. Est-ce qu'il y a un public qui vous suit depuis le début? Ça commence. Ça commence, ouais. Et ça nous suit beaucoup plus maintenant qu'on est à 4. Ouais, c'est voilà. Ça. Ça sonne plus, ça a changé quoi, ça a vraiment changé, mais tu verras sur les sons que je t'ai passé. Oui. Alors tu as deux belles chansons où on est qu'à deux guitares, tu vois, qui sont super bien, mais après avec le groupe ça jouez vous souvent sur l'improvisation, si vous êtes très carré, vous voulez pas vous lancer là dedans alors après Patrick lui il a toujours ses solos, et dans ses solos il délire. Alors, il retombe, tu vois, toujours sur ce qu'il faut. Nous, on le suit, mais on est assez carré. Okay. On sait ce qu'on doit faire. Et, Il y a le A jusqu'au B, mais après ça, il y a un moment d'improvisation. Voilà. Pas toujours. Ce qu'il faut, c'est vraiment se faire plaisir, plaisir sur scène. Si vous faites plaisir, le public se fait plaisir. S'il n'y a pas l'osmose, ça ne fonctionne pas. Et puis, ce qu'il y a de bien, ce qu'on est arrivé maintenant à créer par rapport à la musique et aux paroles, c'est qu'on peut passer du tout rock à ta chanson, tu vois, plus tranquille. Ouais, comme hier. Ouais. Et on arrive, tu vois, à naviguer comme ça pendant tout le concert. Donc les gens, tu vois, sont. C'est parce que vous avez été longtemps à deux, donc il n'y a pas de problème, il n'y a pas de casseur. Ouais. Vous ne sentez pas moins accompagné parce que tu l'as fait longtemps. Oui. Et puis voilà, de trouver des ambiances, tu vois, plus jazzy, un peu plus... Il y a des écrits aussi de ton côté qui s'amènent mieux sur sa guitare. Oui. Et il y en a d'autres qui demandent les quatre et la puissance des quatre. Oui. Est-ce que la chanson... Lorsque les deux musiciens se sont racolés à vous pour faire un quatuor, as-tu retravaillé des musiques, as-tu retravaillé les mots parce que ça ne sonnait pas aussi bien à 4 qu'à 2? Non, on n'a pas retravaillé. Maintenant, on avait des musiques qu'on faisait à deux, qu'on garde, tu vois, dans le set, dans les concerts, où ils se sont greffés pour amener le côté rock qu'on voulait sur les morceaux. Mais comme vous êtes en région, est-ce que vous pensez éventuellement arriver plus au centre de Paris ou si vous voulez toujours rester à Marseille? Alors après, le problème, c'est compliqué pour nous parce que... Vous n'êtes pas de là. Nous, quand on joue sur Marseille, on est rémunéré. Là, si tu montes à Paris, ça nous fait beaucoup plus de frais. Ouais. Tu vois que... Et vous n'avez pas une petite camionnette pour tout le monde? On y pense. Ouais, si vraiment, tu vois... Pour faire la route de France en été. Si tu veux. Alors après ça, il faut que les dames soient d'accord. Tu vois. Ah oui. C'est pas longtemps. C'est des fois une fin de semaine. Vous partez jeudi, vous revenez dimanche. Oui. Mais ça peut être intéressant. Là. Ah oui, mais même vous amenez les femmes. Mais là, les enfants, c'est sûr que si les femmes viennent, les enfants aussi. Ouais. Bon, là, ça commence à devenir plus. C'est plus compliqué. Mais le groupe, les quatre, facilement, quand c'est la fin de semaine, parce que c'est là que ça se passe, à partir du mercredi, jeudi, vendredi, samedi, vous revenez après ça. Puis, mais de toute façon, c'est ce qu'on fait, chez nous. Ouais. C'est comme ça. Est-ce que vous vous sentez à l'aise lorsque vous jouez à un endroit où c'est. Ou c'est un peu moins, où vous êtes moins connu, est-ce que vous sentez aussi à l'aise? On n'a pas de soucis avec ça. On a joué dans plein d'endroits. On a joué dans des bars où on était coincé entre les toilettes et le comptoir. Ah ouais, tu vois, on a joué un peu de partout. Donc Mais c'est une belle école aussi, là, hein? Oui. Ouais, moi, j'adore ça. Au moins, j'ai un contact direct avec le public. Avec le public, ouais. Ben, ça, tu peux pas être plus, oui. Plus proche du public que dans un bar. Ouais. Est-ce que tu vois que, tranquillement, le groupe commence à prendre forme, puis à s'émanciper et à vouloir s'envoler? Oui. Là, je pense que déjà, quand on aura finalisé le premier EP... Ça, c'est pour la fin de l'année? J'espère que pour la fin de l'année, oui. Mais je veux, comme c'est le premier, on veut vraiment que ce soit numéro 1. Que ça ressemble à Pike. Voilà, à Pike. Ce qu'on veut, ce qu'on refait sur scène. Pourquoi Pike? Alors, tu vois, c'est classique. C'est un monde de oui, mais alors. Ouais. Les mains dans les poches, mon garçon. Et moi à côté, comme un vieux con. Tu me parles de dragons, de fantômes. Je te demande si mes chansons sont bonnes. Tu dis oui, mais n'en fais pas des tonnes. Ne pense plus qu'à s'enfuir si le bleu de mes mes veines ne demandent qu'à s'ouvrir à ces jeux-là. On saigne, paraît-il. La trêve, la mort ou l'avenir, à ces jeux-là on saigne, paraît-il. Il me dit, Olivier, alors, t'as un nom de groupe ou un nom de scène? J'en avais pas. Je venais de finir un livre de Benjamin Whitmer qui s'appelait Pike. J'ai dit, écoute, t'as qu'à nous appeler Pike. Et c'est resté Pike. Voilà. Donc, c'était même pas un nom de groupe qui était pensé. C'est-à-dire le brochet en anglais, de toute façon, Pike. C'est pas bon. Ça veut dire le brochet, ouais, le brochet en, ouais. Ouais, en anglais. Donc, tu vois qu'il n'a aucun rapport. On n'est même pas pêcheurs. Non. Ben, on pêche un peu, nous sommes des humains. Oui, quoi. Voilà. Nous pêchons, mais c'est pas des poissons. Voilà. Et donc, c'est resté comme ça. Alors, c'est le hasard. C'est le hasard. Si le hasard existe, oui, parce qu'en fait, tu as lu un livre et le premier mot que tu as vu, peut-être à côté du téléphone, c'est Pike. Oui. Et c'est comme ça que c'est voilà. Parti. C'est parti comme ça. Et vous n'avez jamais voulu modifier ça parce que c'est... Non, c'est toujours resté comme c'est ça. C'est court, en plus, c'est très intéressant, c'est ouais. Court. Pike. Ouais. Pike. Puis c'est rentre dedans, Pike. Alors, ce qui surprend les gens, c'est qu'on chante en français. Ouais. Oh, oui, c'est ça, ça peut peut-être laisser envisager ouais. Que c'est de l'anglophone. Mais c'est ça qui est bien. Et si on essaie de trouver le style, c'est quoi? C'est du folk variété? Je sais pas, je... C'est dur de cataloguer, hein? Je sais pas, pour moi, ce serait du pop-rock. Mm-hmm, okay. Je dirais du pop-rock. Et après, ça dépend, ça peut... Ça dépend des chansons. Après, quand je suis seul à la guitare aussi, ça peut être de la chanson française. Je sais pas si... Tu sais, moi j'ai du mal à, ouais, à savoir, on fait de la musique. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. On fait de la musique. On fait plaisir aux gens aussi. Oui, voilà. C'est ça. Aussi, surtout. Ouais. Surtout. J'ai 10 questions et j'ai hâte de voir où ça va nous mener. Allez. Si tu étais liquide. Non. Si j'étais liquide. Liquide. Si j'étais liquide. Une bière. Ah oui? Ouais. Laquelle? Laquelle? bonne question. Une Leff. Ah oui, oh, ça c'est classé. Ouais. Okay. Aimes-tu les bières artisanales parce que de plus en plus ça s'implante? Oui, on en a de bonnes sur Aix. Mais voilà, après j'aime pas la bière, tu vois, comme la Creek et tout ça. J'aime une bière qui a du corps. Ok. Voilà. Mais parce que elle fait dans la blonde, elle fait dans la brune aussi, c'est laquelle ta préférée? Ouais, j'aime la blonde et la brune, quoi, donc... Scotch Ale, moins? Pardon? La Scotch Ale, un peu moins? Non, c'est pas trop mon truc. Ok, ça. C'est trop lourd. Ouais, c'est pas trop mon truc. Les bières fortes, pas trop, parce que ça va être rappelé facilement. Ben voilà, on évite de trop voir qu'on est sur scène. Quoi, parce qu'on Non. Ouais. Okay. Ouais. Oh, une petite bonne. Ouais, c'est certain qu'une bonne bière hein, entre deux chansons. Oui. Éviter l'héros peut-être. Ouais. C'est ça la complexité. Alors le vin, comme Nougaro, c'est mieux du vin. Voilà, ouais. Parce que les héros ne sont pas présents dans la. Si tu étais une ville. Si j'étais une ville. Je dirais ma ville, je dirais Aix, mais j'ai été surpris, j'ai fait New York et Londres. Ah ouais? Et tu vois. En quelle année? New York, c'était en 2015, Londres, c'est cette année. Mon cœur balance. Mais j'en ai plein, j'ai plein de villes. Allez, moi pour la. Pour la musique, je te dirais Londres. Mais je crois qu'une ville une ville vraiment de cœur où je pourrais m'installer, je pense. C'est Bruxelles. À Bruxelles, oui. Ouais. C'est vrai. J'adore. C'est vrai. C'est bien. J'adore les Belges. On nous compare souvent aux Belges. Ouais. On a vraiment un humour qui se colle à la Belgique. Et puis c'est convivial. Ouais, c'est vrai. Voilà. C'est humaniste. Voilà. Comme chez nous. Voilà. Si tu étais une ville. Tu m'as dit si tu étais une langue. Une langue. Le français. Ah ouais. Ouais. Ouais. Mais c'est bien parce que vous ne chantez pas en anglais, donc ouais. ça donne encore la chance à la francophonie de prendre sa place. Et puis c'est difficile, parce que maintenant beaucoup de gens chantent en anglais, ben oui, c'est et c'est difficile de faire un texte cohérent en français. Oui, c'est vrai. Tu dois bien l'entendre, ce qu'on passe maintenant au radio français, ça fait peur. Ah ouais, mais ça, à part Flip là, qui s'ouvre sur la musique, là, le reste, bon, ouais. C'est du préacheté, hein. Ouais. Ça dure pas longtemps. Si tu étais une époque. Si j'étais une époque. Les années 90. Ah ouais? Ouais. Pour la musique, pour la musique, ouais. Pour la musique. Ouais. Les années 90. Si tu étais un mot. Un mot. Liberté. Ah ouais. Ah ouais. Liberté. Ouais. C'est vrai. Il en faut de la liberté dans la création et dans la vie. Si tu étais un aliment. Du pain. J'aime bien le pain. Du pain. Ah ouais, ouais. Le corps du Christ. Le corps du Christ, si tu veux. Non, mais c'est mieux comme ça. Si tu étais une saison. Une saison d'automne. Ça rafraîchit, hein? Ouais, mais je suis né en octobre, donc je suis un enfant de l'automne. Ah ben oui, tu as très hâte d'avoir les cadeaux, c'est pour ça que... C'est pour ça. Ben oui, il y a de moi les cadeaux. Si tu étais un membre corporel... Un quoi? Un membre corporel. Si tu étais un membre corporel. Les yeux. Ouais. Ouais. Image de l'âme. Parce que je trouve que ça parle. C'est ce qui reste. Tu vois, les yeux. Tu peux reconnaître une personne rien que par son regard. Le corps peut changer, mais la façon de regarder, l'intensité du regard restera toujours la même. Comme disait Kubrick, les yeux grands fermés, mais toi, c'est les yeux grands ouverts. Voilà. Ouais. Si tu étais un moment de la journée. Le matin. Je suis un lève-tôt. Même si tu te couches tard. Même si je me couche tard. Regarde, on s'est couché, il devait être quoi presque 4 heures. À 7h30, j'étais debout. Alors toi comme moi, tu as à peu près 3h30 derrière la cravate. Voilà. Mais moi depuis 16 jours. Donc voilà. Ça commence à. Oui. Puis je prends pas de café parce que ça risque de nuire encore dans mon sommeil. Parce qu'un café le matin, là, moi, ça se poursuit jusqu'aux petites heures du matin. Ouais. Je suis encore pour ça que j'essaie de rester. Mais je suis peut-être du type nerveux, c'est pour ça que ça aide. Bonne réponse. Merci. Sèche tes larmes, je ne suis pas un petit bien. Il y a trop de cadavres sur le chemin, mais faut-il effacer son fond. De rame en rame, de métro aérien, quand on vient, vague à l'âme. Quand la vague s'éteint, n'oublie pas, n'oublie jamais, n'oublie rien. putain de vie qui se fait, putain d'envie de prendre ce fond. Cache tes armes, tu n'en auras pas besoin. Je suis le chef de gare au départ de ton train. Les adieux, les promesses pour demain. Sèche tes larmes, je ne suis pas un tibien. Il y a trop de cadavres de croix sur le chemin, mais faut-il effacer ce vent. Putain de vie qui s'effondre, putain d'envie de se fondre pour la nuit. De la journée. Je te l'ai dit. Ah oui, c'est parce que c'est ça. Si tu étais un autre individu. Un autre individu. Notre individu. On se fait plaisir. Bah ouais. Paul McCartney. Ah ben. En plus, il est encore vivant. Ouais. C'est positif. Si tu aurais dit John Lennon, ben non, ouais. C'est. Mais je préfère. Tu trouves plus intéressant que John Lennon? Oui, beaucoup plus. Beaucoup plus. Parce qu'il est plus hétéroclite, il fait du jazz, hein, ouais. Il fait du jazz, du classique, et pour moi, c'est l'un des meilleurs musiciens du XXe siècle. Puis sur scène, il est tellement généreux. Oui. Tellement généreux. Hein. Je l'ai vu en 2015. 3 heures sur scène. Ah ouais. À 72 ans. Ouais. Il ne peut pas s'arrêter. Hein. Mais moi, j'ai tous les albums, même le dernier qu'il a fait, c'est magique. Et quand je le vois avec Ringo Starr, je trouve ça. Et il est, voilà, c'est magique. C'est inspirant pour vous autres aussi, là. Ouais, à se dire qu'à cet âge-là, avoir autant de. Qui n'est pas inspiré par déjà par les Beatles, qui pour moi reste le groupe qui a tout inventé de la pop, quoi. Le groupe. Et puis McCartney, quoi. Ouais, c'est la générosité. À choisir, est-ce que tu ferais le même chemin? Je sais pas, parce que comme tu disais, t'as le hasard qui te fait rencontrer des personnes. Si le hasard existe, moi. Je pense qu'il existe. Ah oui, ok. Mais je sais pas, parce que là, je suis dans une période où je suis bien avec mes potes, avec le groupe. Alors, je te dirais, je ferais ça beaucoup plus tôt, tu vois, beaucoup plus jeune, si j'avais les mêmes membres du groupe. Pour se dire, on se lâche. Ouais, là, tu vois, c'est... J'aimerais avoir 30 ans, mec, là. J'aimerais avoir 30 ans maintenant. Et puis voilà, ces gars-là, c'est une déclaration d'amour que je leur fais. Ouais, moi, ces gars-là, je les aime. Et quand je les ai sur scène avec moi, tu vois, je me sens fort et costaud. Parce que je sais qu'ils sont là. C'est comme une troupe de théâtre. Ah ouais, ah ouais. Tu te retrouves après, ouais. Tu vois, pour manger, tu parles de là. C'est là, très convivial. Ouais. Avez-vous beaucoup de projets? Sur la rentrée, de terminer la pastille, comme tu dis, et puis des concerts à la rentrée, quoi. Vous en faites combien par année? Ça dépend. Ça dépend ce qu'on. À tourner uniquement dans le sud, c'est quand même. Des concerts qui sont vraiment intéressants dans l'année. On doit en avoir 7 ou 8 qui sont vraiment intéressants. Après, tu as des petits. On doit tourner sur une moyenne de. Je pense 15-20 concerts dans l'année. Et après, bon, voilà, après, on a tout ce qui est travail, nos répétitions et tout et ça. Le reste du temps, c'est de la répétition, c'est du travail. Voilà, c'est de la répétition. Et de ton côté, c'est d'être seul pour écrire. Voilà. Est-ce que tu écris souvent avec le groupe? Tout le monde est là, puis. Non, j'arrive toujours avec une musique et avec des paroles. Parce que tu crois que tu vas perdre un peu ton temps puis que le reste du groupe risque de s'emmerder? Non, c'est pas ça. C'est que c'était défini comme ça à la base. Moi, je m'occupe de ça. Et après, les arrangements se font avec le groupe. Es-tu productif? Si je suis productif, oui. C'est comme je te disais, j'en fais énormément et après, voilà, il y a à boire et à manger. Donc, est-ce que des chansons qui vous suivent depuis le début? Oui, tu en as. Des chansons chouchou, comme je dis souvent? Oui, il y en a une que je t'ai mis qui s'appelle Les mains dans les poches. C'est une chanson pour mon fils. Et alors celle-là avec Patrick, on la considère, on dit que c'est notre Wonderwall à nous, tu vois. Okay, donc ouais. On est, à chaque fois on est à deux sur scène pour la faire. Ok. Et ouais, très belle chanson. Oui, t'en as plein. En fait, ouais, t'as plein de chansons qui nous suivent. Je pense que t'en as sur 17 chansons, t'en as bien 8 ouais. qui nous suivent. Et après, on a vraiment. Vraiment un catalogue de chansons, on doit en avoir une, je pense dans le groupe on doit en avoir une trentaine, donc on pioche toujours. D'accord, et puis en plus il y en a d'autres qui se rajoutent. Il y en a toujours d'autres qui se rajoutent. Alors si ça renouvelle le matériel, on voilà. Peut. Mais on a énormément de chansons. Et qu'est-ce qui fait que sur scène vous en enlevez quelques-unes et que vous placez celle-là au lieu des autres? Ça vient automatiquement? Est-ce que c'est un consensus du groupe ou de toi? Oui, non, ça c'est quand on prépare le set. C'est à tout le monde. Moi je dis, bon ben voilà. Moi, j'aimerais qu'on chante ça. Je fais une disposition, tu vois. Généralement, ils sont toujours d'accord. Ouais, et on joue des chansons, tu vois, qui nous font plaisir. Quoi. Voilà. Vraiment celles qui nous font plaisir. Après, t'en as qui préfèrent une chanson, tu vois, dans le groupe. Ils disent, moi, je préfère celle-là. Donc, tu la fais. Tu fais plaisir à, voilà. À un des membres. Et tu... Voilà. Ouais. Et en même temps, c'est ça, c'est de se faire plaisir et de voilà. Faire plaisir. Mais Olivier, c'est toujours... Je suis très content que tu... à Paris pour ouais. Rencontrer, toi qui reste c'est un plaisir, Reynaldo, d'avoir fait ta connaissance, d'avoir pu parler aussi du groupe, ouais, puis d'avoir rencontré toutes ces personnes, voilà, Isa, Marie. Mais c'est fou la vie, hein. Ouais. On ne sait pas ce que nous réserve l'avenir, on ouais. Est là, puis on est heureux d'être vivant parce que c'est une bouteille dans la main. Ouais. Les contacts, c'est ça. On peut partir de loin et venir à un endroit puis se rencontrer. Ouais. Et alors, comment en fait tu es venu à... Isabelle. C'est par Isabelle? Ben oui, ouais. Ami Facebook. Oui. Moi, ce que je fais quand je prépare mes... ben écoute, on va finir puis on va faire oui. Le micro. Oui. Alors, ben à la revoyure. Hein. OK, à la revoyure. Puis j'espère que tes projets vont se rendre très loin et au Québec éventuellement. Ben écoute... On attend la pastille. On attend la pastille. Et ah oui, on aimerait bien que tu nous invites là-bas. Ben moi, j'ai invité... Non, mais ouais. Quand je dis de nous trouver un plan là-bas, ça, ouais. Ça serait bien. Ouais. Ben écoute, comme je disais, ben, merci. Je vais dire à la revoyure, puis on va ouais. Fermer le micro et okay. Je vais te parler. Ben, à la revoyure. Hein. À la revoyure. Puis peut-être que, comme plusieurs artistes, on fera un suivi. On se reverra ouais. Dans... Dépendant de l'actualité, l'année prochaine, dans 2 ans, peu importe, mais on va se revoir. Ok, et je l'ai pas dit, un petit bonjour aux Québécois et aux Québécoises. Voilà. Ben oui. Voilà. Puis on va t'entendre, donc voilà. C'est merveilleux. Mais on va entendre le groupe Pike. Voilà. Et Olivier par-dessus le marché, et le chanteur, ben c'est toi. Voilà. Il ne faut pas l'oublier. Oui. Ben merci, Valère Royeux. Merci à voilà. Toi. chevilles au corps, c'est le paysage magique couché sur le papier pour immortaliser votre sujet. Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois.